On va parler avec notre ami Marc Fortier. Salut Marc. Salut Danny. Marc, évidemment, on va parler de l'actualité dans le monde du hockey. Écoute, pas mal d'affaires. La grosse nouvelle, je suis en train de l'oublier parce qu'on est en train de préparer notre intervention avant de rentrer en onde. T'sais, c'est sûr que je suis plus baseball cette semaine, mais la grosse nouvelle, c'est le Centre Bell plein. Moi, je suis très content, mais en même temps très déçu. Très content dans le sens que c'est rien que normal, là, que c'était juste normal que Centre Bell revienne, là, parce que quand tu regardais ce qui se passe partout aux États-Unis, les stades sont bien pleins, puis il y avait juste au Québec, là. Et je suis déçu parce que les restaurateurs, eux autres, ils n'ont pas le droit d'augmenter à 100% leur capacité. Mais ça, c'est une autre affaire. C'est pas vraiment du sport, là, mais c'est dans le sport pareil. Mais sur le scène sportif, ça, c'est une bonne nouvelle, là, ça. Ah, c'est une excellente nouvelle, Danny. C'est sûr que quand on regarde ça, on essaie tout le temps de chercher la logique, hein? Parce que là, on va remplir le Centre Bell à pleine capacité, mais on ne pourra peut-être pas passer l'Halloween avec les enfants, puis les restaurants, ça marche pas. Fait que on semble être dans une situation de deux poids, deux mesures. Sauf qu'au lieu de s'acharner sur le négatif, il faut concentrons-nous sur le positif. Puis ça, c'est vrai que c'est une belle nouvelle pour le monde du sport d'être capable de remplir nos amphithéâtres finalement, de pouvoir avoir au moins une normalité de ce côté-là. Et puis, ça arrive au bon moment parce que là, justement, les saisons de la Ligue nationale vont se mettre en branle, le junior majeur va se mettre en branle. Et on sait tellement que pour le junior majeur, les recettes de la foule est primordiale dans le budget d'une Ben, équipe. Alors, je suis bien content de ce côté-là. c'est clair, là. Il y a le passeport vaccinal à quelque part qui est un embûche aussi, là, parce qu'il y a 10 à 15 % qui ne peuvent pas y aller. Mais je pense qu'il devrait être quand même, pour le Centre Bell puis certaines arénas, ça ne devrait pas être un problème quand même. Mais regarde, on va se concentrer sur ce positif. Voilà, donc c'est très positif pour les joueurs aussi, là. Tu sais, quelque part, les joueurs, là, c'est une adrénaline, là. On ne saura jamais, mais le Centre Bell plein au mois de juillet, peut-être que c'est une victoire de plus pour le Canadien. Ben, on ne sait jamais, C'est Danny, c'est intimidant, le sûr Centre Bell que jouer. C'est intimidant, là. oui. Surtout en finale de la Coupe, ça aurait été encore une coche plus élevée, là. Oui, le septième joueur dans un endroit comme le Centre Bell, moi, je suis d'accord avec toi que ça peut être un boost supplémentaire. On ne saura jamais, tu sais, ça aurait pu être la même chose pour d'autres équipes, mais Mais le c'est Centre sûr que Bell le Centre en Bell, série, c'est spécial. surtout en finale de la Coupe, il me semble que ça aurait été, que ça fait 28 ans que tu n'as pas été en finale de la Coupe, ça aurait été encore. On sait pas, on sait, ils ont gagné quoi, un match à Montréal? Probablement, oui. Ouais, Mais tu sais, durant la finale. c'était une euphorie incroyable à l'extérieur. Alors, j'ose imaginer ce que ça aurait été à l'intérieur. Ça aurait sûrement été Ouais. grandiose. Bon, OK. L'actualité dans la Ligue nationale de hockey, on va parler évidemment du Canadien. Encore une fois, les médias de Montréal s'emportent, là. Kevin Goulet, il a joué un excellent match. C'est très, très bien ce qu'il a joué. Puis je suis bien d'accord avec ça. Puis oui, il a du potentiel. Puis oui, il va probablement être un défenseur de la Ligue nationale. Mais encore une fois, les Shea Weber, les Wade Redden, j'ai entendu à peu près toutes les comparaisons cette semaine. Maudit. Tu sais, quelque part, là, tu sais. Il me semble qu'avant de développer Goulet, il faut que tu t'assures que Romanov devienne le défenseur qu'il allait devenir. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Oui, puis moi aussi, Danny, j'ai écouté les comparaisons. Ah! La meilleure, là, il faut donner la palme d'or cette semaine à Norman Flynn, là, qui a comparé Goulet à Hall Gill, là. Là, c'est ça vraiment, là. Non, Ça va pas bien, là. Ça va pas bien. C'est deux joueurs complètement différents. Alors, le comparatif, je sais pas où ce que Norman Wade l'a pris. Redden, j'ai bien aimé ça, par exemple, parce que Wade Redden, c'est un Ouais. défenseur qui a quand même Oui, gagné oui. une bonne carrière avec les Sénateurs. Il a fait Team Canada. Non, j'ai bien aimé la comparaison avec Wade Redden. Par contre, calmons-nous, là. Tu sais, dis. Ouais, ben Dominique Ducharme l'a très, très bien dit, Danny. Il a dit, regardez, attendons un peu, là. Affolons-nous pas. Premièrement, là, dans les camps d'entraînement comme ça, les matchs hors concours, là, c'est un mix de joueurs de la Ligue américaine avec des joueurs de la Ligue nationale. Tu n'es pas encore à ton niveau. Est-ce que c'est positif? Ben oui, tabarouette, tu vois que le gars il a pas de potentiel, puis je pense qu'il va devenir un bon joueur. Mais comme tu l'as très bien dit, Colin, focusons sur un Romanov qui, lui, là, il a faim. Le gars, il est en mission. J'entendais parler de lui, de la façon qu'il se comporte. Les joueurs, tout le monde le dit, c'est un gars, aussitôt qu'il met les pieds dans un amphithéâtre, là, lui, il s'en va à guerre. C'est un gars qui prend même pas une seconde de repos. Il est toujours intense. Il a attendu, il était patient. C'est lui qui va être le défenseur en devenir. Alors, développons-le comme il faut et laissons la chance aux autres jeunes d'aller chercher un peu plus de millage puis de devenir des bons défenseurs. Mais là, on s'entend que c'est Toto à Romanov. Là. Ben c'est, ouais. C'est lui qui faut qu'il soit le défenseur d'avenir. Ben, puis c'est pas juste ça non plus. Puis, il a connu une saison l'année passée, coup-ci, coup-ça. Mais regarde, il y a le gars, remets-le dans sa peau, il a 21 ans, traverse l'Amérique. À s'adapter à une nouvelle langue, nouvelle patinoire aussi. C'est pas pareil jouer en Europe avec la grandeur de patinoire. Fait que c'est juste normal, là, qu'est-ce qui est connu. Là. Ben ouais, mais il n'y a pas si. Ben, en non, tout cas, j'ai trouvé que toutes les fois qu'il a joué, moi, j'ai trouvé qu'il a bien joué. Et l'affaire que j'adorais de lui quand il était à sa glace, c'est qu'il était craint. Des joueurs adverses parce qu'il sortait toujours une mise en échec spectaculaire, soit dans le coin, soit dans le milieu de la glace. Il va chercher le gros hit, comme on dit. Puis ça, ben, ça fait en sorte que les joueurs adverses se lèvent la tête un peu plus vite. Donc, ils sont plus créatifs, puis ça les met sur les talons. Alors, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais c'est sûr et certain qu'on va devoir l'utiliser d'une meilleure façon éventuellement. C'est un Alexis Yamelin d'être plus offensif, ou Darius Kasparidis plus offensif, puis c'est ce comparaison-là. Mais on ne l'entend pas parler de lui. Puis moi, c'est qu'on l'a jamais su, cette histoire-là, pourquoi il n'avait pas été utilisé en série, hein? Ben, tu sais, il y a plusieurs facteurs, Danny. Tu sais, c'est sûr et certain, t'arrives dans les séries, c'est des matchs que ouais. Tu veux te rendre le plus loin possible. Tu y vas avec tes kingpins, tu y vas avec tes joueurs d'expérience le plus possible. Tu sais, il est allé chercher des joueurs qui, à mon avis, étaient moins bons que Romanov, mais qui avaient un peu plus de millage que lui dans la Ligue nationale. Alors, mais là, tu recommences une nouvelle page, une nouvelle saison. Je pense que là, il faut qu'il commence en même temps que tout le monde. Puis qui prennent son apprentissage pour être prêt à plus que la saison va avancer. Là. On va parler aussi d'autres sujets. Philippe Dano. Philippe Dano, il y a un article qui a passé. Est-ce qu'il s'est fait flouer parce que. Et on en parlait avant de rentrer en onde. Écoute, le gars, là, on l'a dit dès le départ que Los Angeles, là, il va avoir sensiblement le même rôle parce que. Écoute, t'as Renzi Kopitar, t'as Quinton Byfield, qui est un centre qui a été un troisième choix overall, qui est un gros joueur de centre, gros, deuxième. Écoute, ben, il fallait pas s'attendre à ce que Philippe Dano soit dans le top 2. Là. C'est la même affaire, à mon avis. Là. Ben, je sais pas si c'est le journaliste qui dit ça ou c'est Philippe Dano, mais si Philippe Dano, lui-là, il a signé à Los Angeles. Premièrement, si les Kings lui ont promis qu'il était dans le top 6, je pense que les Kings sont dans le champ. Là. Mm. C'est pour cette raison-là qu'ils l'ont payé trop, s'ils s'attendent à ça. Est-ce qu'il y a un potentiel, le gars? Je pense que il y a eu un potentiel offensif. Si tu regardes ses années juniors, si tu regardes tout son hockey mineur, c'est un gars qui était plus offensif que défensif. Okay? Mm. Mais là, quand tu montes dans le pro, puis tu trouves une chaise, puis que tu deviens étiqueté un joueur... Un exemple défensif, un joueur de d'unité spéciale qui a des rôles importants, c'est ça qui est devenu, lui, avec les années. Puis c'est ça, je pense que c'est son meilleur potentiel dans la Ligue nationale, c'est d'être un joueur de rôle. Mm. Si lui, il s'attendait à arriver à Los Angeles puis jouer sur le premier power play puis être sur le top 6, ben moi, je pense qu'il était dans un nuage puis il était très mal conseillé de ce côté-là. Mm. Alors, est-ce qu'il a été floué? Je pense pas. Premièrement, s'il était floué, il était bien floué parce qu'à 5,4 millions par année, je vais te dire une affaire, ça va être bien plus lui qui va avoir floué les Kings que le contraire. Mm. Fait que je pense qu'il doit accepter le rôle qu'on va lui donner. Puis moi, je pense que sa chaise, c'est de jouer sur un troisième trio, de jouer peut-être contre les meilleurs trios adverses, de jouer le désavantage numérique. Puis s'il focus là-dessus, il peut faire une bonne job avec les Kings. C'est exactement ça. Puis c'est ça. En parlant des Kings, il y a des rumeurs qui circulent que Marc Bergevin pourrait s'en aller à Los Angeles. Est-ce que tu crois à ça? Ben moi, je n'avais parlé l'année passée déjà. Il y avait cette rumeur-là qui disait que Marc avait des possibilités, qu'il finissait son contrat avec le Canadien. On s'entend dessus, là, Danny, C'est là. très difficile. Honnêtement. Déjà à Montréal, il va avoir fait son temps comme des joueurs. Moi, je Oui, mais pense qu'il va. Danny, on s'entend dessus qu'il avait regardé d'autres options, là. Parce que là, si le Canadien perdait en 5 contre Toronto, là, ou bien Ah, perdait c'est clair, la c'est série clair, contre c'est clair, c'est Toronto, clair, là, c'est clair. on s'entend-tu que Marc Bergevin n'est pas à Montréal? Puis Marc Bergevin avait déjà regardé d'autres possibilités. C'est le bon chum de Luc Robitaille. Pat C'est Brisson le aussi, il est bon chum de proche. Pat Brisson. Rob Blake, sa job à Los Angeles, et coup-ci, coup-ça, on n'est pas sûr. Alors, est-ce que le fit aurait été parfait Ben oui. pour Marc Bergevin si le Canadien était éliminé contre les Maple Leafs? Oui. Maintenant, la vapeur a changé. Le Canadien s'est rendu en finale. Maintenant, on veut re-signer Marc Bergevin. Parce qu'avant que le Canadien batte Toronto et qu'il se rende aussi loin que ça, là, Marc Bergevin était critiqué pas à peu près, là. Tout Non, le c'est monde ça. voulait sa tête. Tout le Ouais. monde disait qu'on le congédie, on amène Patrick Roy, on amène Moi, j'en étais un de ceux. Bob J'étais Hartley. lui. J'étais lui. Oui. Moi, j'étais un de Ben oui, ceux. mais on est tous d'accord avec ça. Alors, c'était ça. Moi, je pense que c'était le chemin qui s'annonçait pour Marc Bergevin. Maintenant, avec la fin de saison qu'ils ont eue, ça a changé les plans. Mais je suis sûr que si Marc Bergevin ne re-signe pas avec le Canadien l'année prochaine, moi, je pense qu'effectivement, les Kings de Los Angeles pourraient être une option Et est-ce que Marc Bergevin veut signer avec les Canadiens? C'est une autre question, ça. Parce que 10, on s'entend-tu pour dire que 10 ans à Montréal comme directeur général, ça a eu son homme. Et s'en aller à Los Angeles, t'as pas du tout la même pression avec les Kings, au soleil et ainsi de suite. C'est une autre grande. Est-ce que Marc Bergevin veut rester à Montréal aussi? C'est une autre question? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je suis sûr que, émotivement parlant, pour un Québécois qui a ce job-là, je suis sûr que, Mais il l'a à la fin eu. d'une saison, là, il doit être vidé, brûlé avec toute la pression que tu as à l'année longue. Oui, je croirais que Marc Bergevin pourrait être tenté dans le futur d'aller à un endroit où ce que c'est moins médiatisé, puis ce qui va avoir une plus grande liberté. Effectivement, puis il va avoir fait son temps aussi. En tout cas, moi je pense que Ouais, c'est puis c'est pas méchant. Mais pour C'est ce Jeff serait pas. Molson, est-ce qu'il doit statuer le plus vite possible? Parce que ça va devenir une distraction. Tu sais que les médias de Montréal, la saison est commencée, et même pas commencée, puis déjà on en parle beaucoup. Il y a une couple d'articles par semaine déjà là-dessus. Oui, Si, tu as bien raison. tu Tu as bien sais. raison, c'est une distraction, Danny. Mais il est gris sur roche, là. Tu sais, si Marc Bergevin n'a pas signé à l'heure qui est là, avec la fin de saison qu'ils ont eue, tout ça, c'est parce que des deux côtés, on est hésitant, là. Il y en a un des deux où les deux sont hésitants, puis ils se disent, garde, on va honorer ta dernière année de contrat, puis on verra. Mais c'est sûr, à mon avis, là, à mon humble avis, si le dossier n'est pas déjà réglé, c'est parce que il y a un bémol à quelque part. Ouais, effectivement, effectivement. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Marc, on se reparle très très bientôt. Ça fait plaisir, mon Notre Danny. collaborateur Marc.